l'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don. Pandémie, incendie géant, catastrophe climatique, disparition de la calotte glaciaire, extinction de masse des espèces animales et végétales, pollution endémique, surpopulation, montée des nationalismes, Donald Trump. Est-ce que vous voulez que j'en rajoute un peu ou est-ce que la coupe est pleine? Pour beaucoup de lecteurs de science-fiction et pour d'autres, cette année 2020 a d'ores et déjà des airs de dystopie. À mi-chemin entre 1984, Soleil Vert, La Servante Écarlate et d'autres, mais si aujourd'hui ressemble à ça, à quoi donc ressemblera demain? C'est la question que pose l'anthologie Nos Futurs, qui rassemble scientifiques et auteurs pour imaginer le monde d'après la crise climato-économico-politico-systémique. De Nos Futurs à Nos Futurs, c'est le programme de demain qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de retrouver nos invités, on commence par notre présent. Comme chaque vendredi, on scrute l'actualité scientifique de la science de la semaine et de la science et de la semaine. C'est le journal des sciences de la semaine avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science. Certains oiseaux ont une conscience similaire à celle des mammifères. Et les humains ont tendance à croire qu'ils sont les seuls à posséder certaines capacités. Une équipe allemande a mené une série d'expériences avec deux corbeaux. Ils leur ont appris à réagir face à des stimuli visuels sur un écran. Devant un carré rouge, ils devaient picorer pour montrer qu'ils avaient bien vu l'image. Devant un carré bleu, ils ne devaient pas le toucher. Puis, les chercheurs ont changé l'intensité lumineuse de ces images, on ne les voyait plus très bien. Pendant ce temps, l'activité cérébrale des oiseaux était mesurée par électroencéphalogramme. Parfois, les oiseaux ne réagissaient pas, alors que mécaniquement, ils voyaient bien ces images. Selon les auteurs, cette activité neuronale est liée à une perception subjective. Alors que l'on pensait qu'ils en étaient dépourvus, cette étude apporte la preuve d'une conscience sensorielle chez les corbeaux. Une conscience sensorielle, c'est-à-dire une conscience de la perception. Agatha Liévin-Bazin est docteure en éthologie et spécialiste des comportements d'empathie des corvidés. À partir de là, voilà, on essaie d'analyser ce que les oiseaux ont, on va dire, mécaniquement perçu, visuellement, de l'image. Et ensuite, dans ces questions justement où l'intensité est compliquée pour eux à voir, on voit émerger une activité des neurones qui laisse à penser qu'ils s'interrogent, ou en tout cas que voilà, il y a une activité neuronale supplémentaire qui est différente de celle qui est vraiment purement mécanistique de « je vois quelque chose, je tape pour obtenir une récompense ». C'est vrai que les oiseaux ont un cerveau lisse, alors que nous, mammifères, on a tous ces replis, ces circonvolutions. Et pendant très très longtemps, on a pensé du coup que, vu qu'on n'a pas les mêmes zones exactes, le néocortex qu'il y a chez les mammifères, on ne le retrouve pas exactement chez les oiseaux. Pendant longtemps, on s'est dit, on ne trouve pas cette zone-là, donc les oiseaux sont sans doute pas capables de faire ce que nous permet à nous, mammifères, cette zone-ci. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des analogues, des zones qui auraient les mêmes fonctions, même si elles ont des structures différentes. Et c'est ce qu'ils expliquent ici avec le pallium, avec tout ça chez l'oiseau, que finalement, même si c'est différent, il y a quand même de fortes chances que les mêmes fonctions soient assurées dans le cerveau des oiseaux par rapport à celui des mammifères. Ça donne des pistes vraiment assez extraordinaires sur ce que ces animaux perçoivent et ont comme intériorité subjective, on va dire, comme conscience sur la question, mais ça reste une expérience subjective, et comme nous ne sommes pas des corbeaux, ça reste encore difficile à rendre compte pour un être humain, je pense. En bref, vous avez peut-être entendu parler de cette étude coréenne qui indique que 9 personnes sur 10 atteintes de Covid pourraient souffrir de séquelles persistantes. Mais il s'agit, Natacha, de résultats très très préliminaires de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que le Covid-19 peut avoir des effets secondaires persistants, ce qu'on appelle parfois le long Covid. Mais jusqu'à quel point, on ne le sait pas bien. Alors cette annonce de la Corée du Sud, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ce n'est qu'une annonce, aucune étude n'est sortie. Elle n'a donc pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs. De plus, on ne sait pas à quel point les patients étaient gravement malades. Il s'agit aussi d'une enquête en ligne, donc cela ne s'appuie que sur du déclaratif. Bon, toute précaution prise, sur ces 965 patients atteints de Covid-19, plus de 91%, 879 patients, ont déclaré souffrir d'au moins un effet secondaire après la guérison. Une fatigue persistante, c'est l'effet secondaire le plus courant, avec 26% de réponses, puis une difficulté de concentration suivie par d'autres séquelles comme la perte de goût ou d'odorat. De récentes prépublications et petites études italiennes et irlandaises vont également dans ce sens. Mais... On va attendre des études un peu plus solides pour en avoir la certitude. Allez, cette semaine dans le Journal des Sciences, il a été question d'anomalies génétiques et immunologiques qui seraient à l'origine des cas graves de Covid. Il a été question de la détection de zones humide, voire de lacs souterrains sous la surface de Mars, de la découverte d'un des points faibles du SARS-CoV-2, de la détection d'un gigantesque trou noir supermassif massif très ancien, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, attachée en ultra bref. Et les scénaristes de Jurassic Park y ont pensé, des chercheurs l'ont fait. Une collaboration internationale vient de prouver qu'il est bien possible d'extraire de l'ADN d'insectes piégés dans de la résine. Alors pour le moment, ce ne sont que des échantillons vieux de 6 ans. On n'en est pas au clonage de dinosaures, mais ce travail prouve que l'ADN piégé dans de l'ambre peut bel et bien être conservé pour être ensuite prélevé. Cette semaine, une équipe chinoise a montré que les artères endommagées par une maladie cardiovasculaire pouvaient être remplacés par des vaisseaux sanguins électroniques. Un vaisseau sanguin artificiel de 2 mm en métal, en plastique et en électrode a été implanté sur des lapins pour remplacer leur artère carotide. L'opération est un succès, les artères artificielles fonctionnent aussi bien que les artères naturelles. Et enfin, cette semaine, le ministère de la Santé a révélé qu'en 2019, les hôpitaux et les cliniques ont supprimé plus de 3400 lits d'hospitalisation, ce qui a réduit leur capacité d'accueil de près de 1%. Faute de moyens, les centres de santé privilégient les prises en charge à la journée en ambulatoire. Voilà, c'était pour le Journal des Sciences. Comme un vendredi sur deux, c'est notre vendredi science-fiction. On fait donc un premier pas vers le futur pour le Journal de la science-fiction. Et une étude parue dans Scientific Reports, Natacha, a calculé le nombre minimum d'êtres humains nécessaires pour survivre sur une autre planète. Oui, un chercheur français a voulu répondre à cette question fondamentale. Pour coloniser d'autres planètes, comme Mars par exemple, combien de colons sont nécessaires pour que cela marche? Mais seulement en termes de charge de travail. Alors ce chercheur a développé un modèle mathématique en partant du principe qu'il s'agirait d'une colonie isolée, totalement autonome, sans possibilité de réapprovisionnement depuis la Terre. Qu'il faudrait donc tout produire sur place. L'eau, l'air, le fer, la production d'énergie, de bâtiments, etc. Il a considéré toutes les activités nécessaires à la survie et a déterminé le nombre d'heures de travail nécessaires. Selon ces équations, il ne faudrait que 110 êtres humains pour survivre sur place. Alors 110, c'est un chiffre étonnamment bas, comme quoi il n'y a pas besoin d'être nombreux pour coloniser d'autres planètes. Jean-Marc Salouetti est professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Bordeaux. Il est l'auteur de cette étude. C'est assez complexe en fait, en vérité, comme question. On ne sait pas par quel bout l'aborder. Je me suis dit que la solution la plus simple, c'était d'essayer de déterminer le nombre minimum d'heures de travail qui seraient nécessaires pour survivre, en comptant tout, c'est-à-dire en fait, il faut de l'air, il faut de la nourriture, il faut pouvoir produire des objets, donc combien de temps il faut en termes d'heures de travail, et combien d'heures seraient disponibles si on avait 2 personnes, ou 3, ou 10, ou 20, et 30, etc. Sachant qu'au bout d'un certain temps, évidemment, au bout d'un certain nombre de personnes, on arriverait à partager des choses, ce qui réduirait en fait le nombre d'heures requises de travail. Notamment, il y avait un paramètre fondamental de mon modèle qui est le facteur de partage. Par exemple, un véhicule, on avait besoin sans doute d'avoir un véhicule pour aller chercher, je ne sais pas, du minerai de fer, par exemple, situé un peu plus loin. Et donc, si on est 4 sur Mars, il faudrait un véhicule. Mais si on est 10, peut-être qu'on pourrait se contenter d'un seul véhicule quand même. Et si on est 100, eh bien, peut-être que 4 véhicules suffiraient, par exemple. Donc, c'est pour ça que plus on est nombreux, et plus les besoins, finalement, relativement par personne, si vous voulez, diminuent. Petite parenthèse quand même, 110, c'est une estimation très approximative, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup d'hypothèses de travail, donc en faisant de petites modifications sur certains paramètres, on obtient tout de suite, par exemple, 200 personnes, d'accord ? Mais enfin, c'est une première estimation. Je n'avais encore jamais vu d'article qui avait estimé ce nombre avec une telle modélisation de comparaison du nombre d'heures de travail par rapport au nombre d'heures disponibles. Et donc, ça, c'est important, parce que finalement, beaucoup de gens, finalement, même des spécialistes, par exemple, disaient que survivre sur Mars, c'est pas possible, parce qu'il faudrait amener beaucoup trop de choses, on s'en sortirait jamais. Et ils pensaient sans doute que le nombre de personnes était de l'ordre de 10 000 ou 20 000 ou peut-être plus encore. Et donc, en fait, en aboutissant à un nombre qui est de l'ordre de 110, bon, peut-être un peu plus, à voir, à discuter, mais c'est vrai que c'est, du coup, on devient un peu plus optimiste sur la faisabilité de l'établissement de bases permanentes sur une autre planète. Donc, ça devient beaucoup plus envisageable. Voilà, on parle de la force de travail, moi qui ai évidemment l'esprit mal placé, je pensais que c'était la diversité génétique pour perpétrer l'espèce. Bien, pas du tout, c'est vraiment juste le nombre de bras qu'il faut pour porter les caisses. De l'huile de coude, exactement. Allez, en bref, Natacha, une étude parue dans la revue Aerospace Science and Technology décrit un nouveau type de vaisseau spatial habitable capable de s'agrandir au fil du temps. Oui, au lieu d'essayer de construire des colonies à la surface de Mars, une équipe d'ingénieurs aérospatiaux américains ont pensé à un nouvel habitat spatial qui reproduirait une gravité artificielle. Un vaisseau en forme de cylindre concentrique avec une rotation autour d'un axe afin de créer une force gravitationnelle. Alors, outre la gravité, les ingénieurs ont également conçu des boucliers pour protéger les habitants des radiations cosmiques mortelles avec une couche externe d'eau et de roche de 5 mètres d'épaisseur, c'est pas beaucoup. 5 mètres d'épaisseur et chaque extension en fait permet d'ajouter un cylindre supplémentaire pour agrandir les espaces de vie. Selon les auteurs, cette arche de Noé de l'espace pourrait accueillir jusqu'à 8000 personnes. Les Furtifs, le roman d'Alain Damasio paru en 2009 aux éditions La Vol, vient d'être adapté en application de réalité augmentée. Oui, dans ce roman de science-fiction, il est question de MOA, My Own Assistant, un logiciel d'assistance et de régulation de la population, un système qui contrôle les habitants d'une ville. Avec la complicité d'Alain Damasio, l'application MOA vient de paraître sur l'Apple et le Google Store pour des téléphones portables. Elle propose une expérience immersive qui se joue avec un casque audio et en extérieur, le téléphone à la main. Cette application propose donc une réflexion sur l'omniprésence de nos technologies et sur nos usages. Et enfin, l'adaptation en série du roman Le problème à trois corps de Liu Cixin crée la polémique. Et Netflix avait annoncé que David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, allaient adapter cette saga SF. Mais le romancier chinois a déclaré dans une interview qu'il trouvait le génocide ouïghour légitime. Des propos qui ont choqué des sénateurs américains qui demandent à Netflix de ne pas maintenir le projet sous peine de complaisance, voire de complicité. Liu Cixin est directement associé au projet comme consultant. Néanmoins, on pourra se réconforter si jamais avec une autre série. Netflix vient d'annoncer qu'elle allait adapter une autre icône de la fantasy, Conan le Barbare. Et comme chaque vendredi, on termine par notre rubrique de science improbable. Une étude parue dans Scientific Report à nouveau, s'est penché sur le bonobo et sur une forme de communication qu'on va dire surprenante. Oui, l'équipe française vient de découvrir un mode de communication chez le bonobo femelle. Les femelles adultes se penchent en avant, basculent leur postérieur et exhibent leur partie génitale aux yeux de toute la communauté. Alors, c'est une posture qui n'a pas l'air très confortable et qui n'est pas pratiquée par les mâles. Ce serait un des signaux très perceptibles de fertilité, mais pas seulement. Selon les chercheurs, cette position encourage aussi une sociosexualité féminine entre les femelles. Les bonobos attiraient ainsi d'autres femelles pour renforcer des alliances féministes, je cite. Et voilà, pendant ce temps-là, les bonobos, eux, ils se régalent, comme dit le vieux proverbe. Merci beaucoup, Natacha. Si vous regardez les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces 14 dernières années, et la plus chaude fut l'année 2005. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Ça, c'est en Patagonie il y a 75 ans et le même glacier aujourd'hui. Le Kilimandjaro il y a 30 ans et l'an dernier. D'ici 10 ans, les neiges du Kilimandjaro auront disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes. La plus grande catastrophe de toute notre histoire. Early this morning, au petit matin, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. Devons-nous nous préparer à une autre menace que la menace terroriste? La fonte est plus rapide dans l'Arctique. Si cela continuait, le niveau des océans monterait de 6 mètres. Et voici ce qui se passerait en Floride. Autour de Shanghai, 40 millions d'habitants. La région de Calcutta, 60 millions d'habitants. Manhattan, le mémorial du World Trade Center, serait sous les eaux. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés et imaginez qu'il soit 100 millions. C'est notre survie qui est en jeu. Voilà, extrait d'une vérité qui dérange, hein, ce ton que vous entendez là, dramatique, apocalyptique, avec des lignes de basse qui font vibrer les murs, la tessiture évidemment très très alarmiste de la voix. Aujourd'hui, il faut dire que tout cela nous est devenu, vous est devenu peut-être familier. C'est que depuis 2006, hein, puisque c'est la date de la sortie du film d'Al Gore, cette approche de type « l'apocalypse arrive ». Devant votre porte, si vous ne faites rien, eh bien cette approche n'a manifestement pas vraiment fonctionné sur, en tout cas, la transformation des comportements et des citoyennes et des citoyens, mais aussi des décideurs et de la sphère publique. Alors comment parler aujourd'hui des bouleversements qui sont en cours et qui sont à venir ? Quelle autre voie, quel autre ton créer ? Comment continuer par ailleurs à écrire de la science-fiction, de l'anticipation, quand la catastrophe semble nous rattraper chaque jour un petit peu plus ? Et comment faire dialoguer les scientifiques et les auteurs pour penser ce monde d'après en lien avec les réalités scientifiques d'aujourd'hui. Autant de questions qui président la publication de cette anthologie « Nos futurs, imaginez les possibles du changement climatique ». C'est aux éditions ActuSF, un recueil de textes de vulgarisation et de fiction qui réunit donc scientifiques et autrices et auteurs, sous la direction de Aline Orias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique. Daniel Suchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'École Polytechnique et avec la participation, entre autres, parmi d'autres prestigieux noms de la science-fiction française, et nous sommes combien ravis de la recevoir à nouveau pour cette nouvelle saison à ce micro, de notre estimée Catherine Dufour. Bonjour Catherine. Bonjour. Qui a une rentrée littéraire bien chargée, qui a occupé pas mal de nos nuits, hein, faut dire, parce que pour suivre l'œil de vos publications, faut peu dormir, en fait, ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Vous publiez également L'arithmétique terrible de la misère, un recueil de nouvelles aux éditions du Bélial, ainsi qu'un roman policier au bal des absents au seuil. On en discutera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais commençons donc par cette anthologie « Nos futurs ». Je crois que tout part, d'ailleurs comme souvent dans la science-fiction française, d'une fin de soirée forcément un peu arrosée aux Utopiales, avec Jérôme Vincent et Roland Lehoucq. C'est-à-dire que c'est une sorte de résumé des soirées des Utopiales. Vous pouvez nous expliquer le point de départ de cette anthologie. C'est ça, effectivement. Tout part d'un apéro entre copains de longue date, où on se pose cette question de qui nous agite, hein, depuis un moment les uns les autres de différentes façons. Roland était en train de se demander s'il pouvait pas organiser des espèces de retraites avec des gens qui auraient des idées pour faire changer les choses et pour réussir à embarquer la population avec eux, etc. Et nous, on se disait, mais c'est vrai qu'il y a cette question-là de comment on arrive à mieux communiquer sur ce sujet, puisque effectivement, le ton catastrophiste, manifestement, ne fonctionne pas très très bien. Moi, je venais en plus de finir de lire Le syndrome de l'autruche. Mmh, c'est ça. Donc j'étais en pourquoi plein. Pourquoi notre cerveau, un livre de George Marshall, exactement. Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique qui a été publié en 2014. Ouais, tout à fait. Et donc j'étais en plein dans cette histoire de oui, j'imagine qu'il faut aller chercher quelque chose du côté des récits. Et donc ça, c'est quand même absolument incroyable entre ce qu'on a nous comme réseau en tant que scientifique, etc. Les auteurs qui sont ici, qui gravitent autour d'ActuSF, autour des Utopiales. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis voilà, ça aurait pu être juste une idée entre copains à un apéro. Mmh. Et on a eu envie, et on a réussi surtout à mobiliser des gens pour nous suivre et pour réussir à en faire plus. Peut-être tu peux expliquer toi la partie. Daniel Suchet, peut-être l'idée de faire des binômes scientifiques, auteurs, autrices, c'est venu dès le départ. Comment est-ce que ça s'est articulé, l'idée de mettre... C'est assez rare, hein, parce que des anthologies thématiques, on en a quelques-unes, à visée politique, on pense à ce qu'a pu faire Demain le travail, par exemple, chez La Volte. Là, on est un peu dans ce type de démarche, mais avec tout de même cette approche de vraiment faire cohabiter chercheurs et auteurs, autrices. Absolument. L'idée, vraiment, au départ, était de se dire, il y a plusieurs approches de ces questions. Il y a la question scientifique qui alimente une curiosité, et les gens sont en général très demandeurs et très friands de vulgarisation scientifique. Il y a aussi la capacité des récits de fiction et de science-fiction à créer des univers, à donner du possible, à aller vraiment explorer des choses. Et plutôt que d'essayer d'opposer ces deux approches, l'idée de cette aventure était de montrer à quel point ces approches sont complémentaires et toutes les deux absolument indispensables. Donc on avait vraiment envie à la fois d'avoir la dimension scientifique, l'état des connaissances actuelles, et à la fois d'avoir la dimension de fiction qui n'est pas là simplement pour mettre en scène de la connaissance déjà établie, Il ne s'agit pas de faire un catalogue IKEA de la science, mais vraiment d'avoir une œuvre littéraire, et donc qui est capable d'aller servir de laboratoire d'exploration et du sensible. Et ce qu'on s'est dit que le plus efficace pour avoir ces deux points de vue à la fois était d'invoquer dans cet ouvrage les deux types d'écriture. D'où l'idée de créer des binômes avec à la fois un scientifique et un auteur, une autrice de science-fiction, de les mettre en contact et de voir ce qu'elle a émergé en leur demandant au bout du compte d'écrire deux textes, un de science et un de fiction. Ce qui est intéressant, c'est que la grille de lecture initiale, en fait, c'est le rapport du GIEC. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment le livre est construit par chaque chapitre est en fait ce qu'on appelle un ODD, c'est-à-dire un objectif de développement durable. Ça aussi, c'est apparu immédiatement de suivre en fait ce que sont les grandes tendances identifiées par le GIEC dans le sens de la modification du climat. Comment est-ce que c'est venu ça, Aline Orias? Alors, bon, le GIEC a toujours été effectivement omniprésent. Il faut dire que Daniel et moi, on fait également partie d'un collectif, qui est le collectif citoyen pour le climat, plus particulièrement de son pôle science, qui a beaucoup travaillé et continue à beaucoup travailler pour vulgariser ces rapports du GIEC qui ne sont finalement lus par personne. Le rapport général n'est pas lu, le résumé pour le décideur n'est pas lu par les décideurs. Donc, nous, on a beaucoup essayé avec ce collectif d'en faire des versions synthétiques, des versions très, très attrayantes avec des images, avec des graphiques, pour juste avoir les grands ordres de grandeur, les grandes idées et pouvoir discuter autour de ça. Et donc, c'est quelque chose qui forcément était présent chez nous, mais en fait, c'est venu comme idée structurante de ce livre parce qu'on ne voulait pas que ce soit juste notre vision du changement climatique. On avait envie que ce soit quelque chose qui corresponde à l'état des connaissances et vraiment pouvoir montrer la palette de sujets qui sont touchés par le changement climatique. Réussir à faire percevoir que ce n'est pas juste un changement sur le thermomètre, en fait, que ça va impacter plein d'aspects de la société, et la bonne façon pour faire ça, il nous semblait, c'était justement de partir de ce rapport, donc le rapport sur un monde à 1,5 degré de réchauffement, qui a tout un tableau qui montre les impacts des différentes actions pour mitiger le changement climatique sur les objectifs du développement durable. Mmh. Et donc on est parti de ça, et on s'est dit, au lieu de nous choisir les thèmes qui nous intéressent, on va mettre ça au vote. Donc on a impliqué nos partenaires dans ce vote et on a eu 800 personnes qui nous ont dit les thèmes qui nous intéressent, c'est ceux-là. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, ça dépasse le strict cadre du changement climatique, c'est-à-dire que ce sont pas que de sortes de fictions climatiques ou thermiques ou géographiques que l'on peut imaginer. Ça prend vraiment à bras le corps les mutations de la société. Je pense par exemple au texte de Sylvie Lainé autour de la question de l'égalité des sexes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'écho qu'il peut y avoir entre la modification aujourd'hui, la transformation anthropique de notre planète, et avec une nécessaire transformation politique qui doit l'accompagner de la société. Tout à fait. Et ce qui ressort vraiment aussi de ce tableau, c'est à quel point il n'y a pas de solution miracle, que les choses vont de toute façon nécessiter des compromis, qu'il peut y avoir des conséquences positives sur certains aspects et négatives sur d'autres, et que donc pour faire des choix en connaissance de cause, il faut avoir la vision un petit peu large des conséquences et des contreparties que les effets peuvent avoir. Par exemple, la question est à la fois de savoir dans quelle mesure est-ce que les effets du changement climatique vont aggraver les situations d'inégalité des sexes, mais dans l'autre sens aussi, comment est-ce que des mesures qui sont bénéfiques pour l'égalité des sexes peuvent avoir des conséquences positives sur le changement climatique. Et là-dessus, il y avait la question de ce tableau du rapport du GIEC. Il y a aussi un rapport qui s'appelle Drawdown, qui fait un tour d'horizon des différentes mesures pour réduire l'effet et s'adapter au changement climatique. Et la question de l'accès au planning familial et de l'éducation des filles, par exemple, arrive très tôt dans les mesures comme étant parmi les plus efficaces. On s'est vraiment dit qu'avec ce livre, il y avait cette occasion, comme l'a évoqué Aline, de sortir de la lecture purement technique de l'histoire et de montrer qu'il y a des domaines de recherche, y compris des domaines de recherche scientifique, qui s'intéressent à ces enjeux de société au-delà de simplement de la question de la température ou de l'eau, qui sont évidemment aussi inclus. Est-ce qu'il y avait dès le départ aussi cette volonté de ce que j'évoquais un petit peu dans l'introduction, à savoir de changer le ton que l'on peut avoir sur la littérature, de l'imaginaire, d'anticipation, puisqu'encore une fois, on parlait, Daniel Suchet, si vous voulez répondre là-dessus, de ce ton alarmiste qui a été finalement le seul ton qui a été employé depuis pendant très longtemps, et aujourd'hui on se rend compte que ce ton alarmiste manifestement ne marche pas vraiment et qu'il peut être compliqué. On en avait parlé d'ailleurs avec Catherine Dufour de cette question de se dire comment est-ce qu'on écrit demain quand la catastrophe est déjà sur nos pieds sans être dans ce ton alarmiste, et qu'il y a une nouvelle littérature, de nouvelles utopies à dessiner peut-être, pourquoi pas. Alors nous là-dessus, on s'est effectivement posé la question. La décision éditoriale qui a été prise sur ce livre, c'est de ne donner aucune consigne aux auteurs. Le but, c'était vraiment que puisse émerger toute la diversité des points de vue et des perceptions que ces questions pouvaient générer, en se disant, on verra ce qui sort. Est-ce qu'il y aura de la transition énergétique dans un space opéra? Est-ce qu'il y aura des romans où tout se passera bien? En fait, surprise, tout se passe bien. Ou au contraire, des romans complètement post-apocalyptiques. Et il y a effectivement, du coup, dans les textes qui sont produits, une vraie diversité des approches et des points de vue, depuis les textes les plus pessimistes, où vraiment ça se passe très très mal pour tout le monde, aux textes où, au bout du compte, les gens trouvent d'autres manières d'être heureux et mettent en des textes qui mettent en scène et en œuvre des mondes dans lesquels les gens ont trouvé d'autres manières de vivre. Au demeurant, il y a quand même une question peut-être qui ressort dans la juxtaposition des textes de science et des textes de fiction, c'est que dans leur ensemble, les textes de science sont plutôt moins pessimistes que les textes de fiction. La position scientifique qui est en général partagée par les chercheurs qui ont été qui ont participé à ce projet, et qu'il y a des choses à faire. Évidemment, il faut les faire parce que la situation est grave, mais la situation est loin d'être complètement perdue ou désespérée, et il s'agit d'agir dès maintenant, et pas juste dans le monde d'après, avec les outils qui existent et qui sont aujourd'hui à notre disposition. Aline Arias, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, il n'y avait pas donc, de consigne sur cette partie soyez optimistes, on en a besoin, vraiment pas du tout. Par contre, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était que les fictions soient scientifiquement correctes. C'est pas du tout les premières fictions climatiques, on en a lu plein tous. Certaines sont extrêmement bien fouillées et on sent qu'elles ont été construites de façon très très solide. On en a aussi eu beaucoup qui étaient tellement décorrélées de l'état actuel des connaissances et même de ce qu'on peut espérer, en fait, comme modification drastique de notre façon typiquement de produire l'énergie ou ce type de choses, que elle ne faisait même plus de sens, en fait. Et nous, on avait vraiment cette envie de s'assurer que, sans du tout que la partie nouvelle, la partie récit, soit contrôlée par le scientifique, elle soit malgré tout scientifiquement plausible. Catherine Dufour, racontez-moi un peu comment vous êtes arrivée dans ce projet, comment ça s'est organisé, votre binôme, comment est-ce que vous avez organisé votre travail de fiction autour de ce projet Nos Futurs ? Moi, j'ai été contactée début 2019 par Jérôme Vincent d'ActuSF. Et après, j'ai choisi mon thème, donc l'urbanisme sous réchauffement climatique. Et on a été invités à Polytechnique. On a tous été réunis dans une salle. C'est une des pires expériences de ma vie. On a vu arriver. Pourquoi une des pires expériences de votre vie? Racontez-nous. On a vu arriver de jeunes climatologues, jeunes, beaux, tout sourire, et qui pendant une demi-journée nous ont expliqué à quel point c'était cataclysmique. Alors, ils ne travaillent pas sur les phénomènes catastrophiques, mais il y en aura avec le pergélisol qui fond, mais nous on travaille qu'en moyenne. Alors déjà en moyenne, c'est pas 50 cm de hausse du niveau de la mer en 2100, c'est 3 mètres d'ici 2050. Alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, vous n'avez qu'à acheter le livre pour les avoir. C'était épouvantable, on se déconfiturait sur nos sièges, et on est sortis le midi en rampant. On devait aller à la manif pour les retraites, on s'est dit mais en fait c'est même pas la peine, on sera tous morts d'ici là. Alors on ne sait pas si on sera mort noyé ou mort grillé, mais c'est même pas plus la peine de se battre. Et donc après, pendant toute l'après-midi, on a été très attentifs et on a travaillé en binôme. Donc moi j'ai travaillé en binôme avec Vincent Viguier, qui est un économiste, qui est un chercheur au CIRED, et qui lui en fait il m'a donné des guides. Il m'a dit, voilà, de toute façon, on a le réchauffement climatique, donc c'est quoi? C'est des inondations, et puis c'est des canicules. Voilà, je précise que vous avez travaillé sur l'urbanisme et sur la transformation de la ville, l'aune du réchauffement climatique. Voilà, donc forcément, il y aura des bouleversements sociaux, des bouleversements économiques, écologiques, des migrations climatiques, et de forts impacts sur les insectes et les animaux. Et après, on s'est imaginé ce que ça pourrait être, alors, voilà, dans 50 ans, il y aura une nouvelle génération d'enfants qui trouveront ça parfaitement normal, qui seront tout à fait adaptés, qui trouveront normal de prendre leur barque pour aller barboter sur le boulevard Saint-Michel sous les eaux, afin d'aller polliniser au pinceau à un poil les mûriers des arènes de Lutèce. Et pendant ce temps-là, il y aura des vieux cacochimes, genre nous, à cette époque, qui resteront accrochés à leur baie vitrée et à leur climatiseur, et il y aura forcément une lutte entre les deux, et on a trouvé une nouvelle insulte pour ces gens qui n'arrivent pas à s'adapter, et ça serait maladapta. C'est comme ça qu'on a Et alors racontez-nous un peu justement ce que vous racontez dans ce récit. C'est assez génial à lire, je dois dire, la chute de la défense où effectivement on est plongé dans un Paris post-effondrement climatique. Donc il y a des pans entiers de la ville qui se sont effondrés. Enfin le paysage est complètement bouleversé. Comment est-ce que vous avez construit cette fiction ? Eh bien il y a des sites très intéressants qui vous montrent à quoi ressemblera Paris et puis d'ailleurs toute la France et puis d'ailleurs le monde entier à 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Effectivement. effectivement, au bout d'un certain nombre de mètres, vous avez un grand lac à la place des Tuileries. Et là, Vincent m'a dit, mais Paris, c'est pas construit sur du gypse. Et effectivement, le sud de Paris est construit sur du gypse. Et le gypse, c'est soluble dans l'eau. Donc, la totalité du 13e et du 14e et du 15e arrondissement vont s'effondrer, bloup, donnant lieu à une immense roselière. On s'est intéressé à quelles sont les espèces qui survivront et qui deviendront invasives. Je sais pas, moi, le frelon asiatique. La multiplication des chiens errants, des chats à raies. Les oiseaux, ben, il y aura probablement une masse importante de perruches qui deviendront peut-être très agressives. Donc on a essayé vraiment de faire varier les curseurs sur absolument tous les items. Et là-dessus, vous avez travaillé directement avec votre binôme, ou est-ce que une fois qu'il vous a donné quelques pistes avec Vincent Viguier, ou est-ce qu'une fois qu'il vous a donné quelques pistes, vous êtes rentré chacun de votre côté pour faire votre récit? Comment ça se passe? Non, je lui ai dit, mais tout ça me fait penser à Mowgli dans la jungle. Il m'a dit, mais oui, c'est exactement ça. Donc mon héros s'appelle Mowgli, mais à la fin j'ai changé, j'ai mis un autre prénom parce qu'il doit être copyrighté. Et on a échangé nos textes régulièrement, je lisais aussi le sien, on a vraiment travaillé ensemble et c'était extrêmement instructif, bien qu'un petit peu déprimant. Un mot, oui, vous vouliez réagir, Daniel Sussure. Sur la nouvelle, je me rappelle bien de cette journée où tu nous avais présenté la première idée de la nouvelle comme le petit chaperon rouge revisité. Qui se balade dans la ville pour aller rejoindre sa mère grand. Mmh. Voilà, et je trouvais que... C'est un peu d'ailleurs le récit en fait, maintenant, qu'on le dit, oui, on retrouve la fiction derrière. Et je trouvais que cette façon de dépayser le petit chaperon rouge et de montrer comment est-ce que les mythes continueront à perdurer quelque part, y compris dans un monde complètement différent, malgré l'angoisse derrière, bah il y a une forme d'optimisme aussi là-dedans. Et je crois que ce à quoi on a voulu travailler, c'est l'adaptation, l'être humain étant très résilient. Peut-être que nos arrière-petits-enfants trouveront tout ça pas grave du tout et excessivement normal. Alinoria, si vous vouliez, alors je ne vais pas vous demander de nous dire quel est votre binôme ou votre récit préféré, mais pour donner une idée de ce qu'on peut lire dans nos futurs à d'autres endroits, justement qui casse un peu cette logique catastrophiste du rapport au futur et du rapport au futur immédiat, vers quoi vous orienteriez nos auditrices et nos auditeurs ? Question difficile. Donc, quels seraient les textes les moins déprimants? Non, ou je ne sais pas, ceux qui vous semblent importants, ceux que vous avez envie de défendre. Alors, effectivement, c'est, oui, je serais bien en peine d'en choisir, parce que c'est ça que moi je trouvais passionnant dans ces 10 thèmes. Encore une fois, qui ne sont pas forcément ceux qu'on aurait choisis, nous, au départ. Vous pouvez nous dire d'ailleurs les 10 thèmes, peut-être, sûr. Comme ça qu'on sache un peu de quoi. Allez. Donc, on a santé et bien-être qui s'intéresse plus à la partie vétérinaire d'un côté et santé des plantes de l'autre, et donc santé de l'humain. Avec Claude Ecken et François Moutou, qui est vétérinaire. On a toute une thématique sur le climat et particulièrement sur le stockage géologique de carbone, avec Isabelle Tchernikovsky-Loriol, qui est géologue, et Jean-Marc Ligny. On a eu Eau et assainissement, qui a été une collaboration entre Pascal Maugis et Estelle Fay. Énergie accessible et durable de Mathieu Ozano et Laurent Genefort, qui pour le coup fait partie des textes que citait tout à l'heure Daniel, en disant il y a de ces textes où manifestement les choses ont bougé et pour autant les gens sont heureux. Ouais, alors, il y a des résistances qui se créent. C'est la nouvelle de Laurent Genefort. Il y a tout un texte sur la vie terrestre et sur notre rapport au vivant non humain. Et puis notre rapport à la nature, qui est d'un côté une collaboration entre Jeanne Lecomte et François Sarrazin, et de l'autre côté Pierre Bordage. On en est à 5. Il y a aussi une question autour de la suppression de la faim, donc c'est l'ODD numéro 2, qui est d'un côté Claire Chenu et Sylvain Pellerin, et c'est Raphaël Granier de Cassagnac qui est à l'imagination. Autour de la consommation et de la production responsable, avec d'un côté Philippe Biwix, dont le texte est venu me taper en plein dans mes convictions et me faire me reposer des milliards de questions sur justement la différence entre sobriété et efficacité. Est-ce que si on fait un covoiturage, en fait on n'est pas en train de se trouver des excuses pour quand même aller à l'endroit plutôt que de se demander si on pourrait ne pas y aller? Et c'est Jeanne Adébats qui lui donne la réplique. Et puis, on a donc évidemment Ville durable avec Vincent Viguier et Catherine Dufour. Inégalité réduite, qui s'intéresse beaucoup à la question du transport, avec Audrey Berry du Haut Conseil pour le Climat et Chloé Chevalier, qui faisait ses premiers pas là dans la science-fiction. Oui, puisqu'elle fait plutôt de la fantasy. Hein, exactement. Et donc là, elles se sont intéressées à deux. Et pareil, ça fait partie de ces binômes qui ont vraiment travaillé de façon très intriquée à la question de la carte carbone et comment ça peut impacter notre ville, la mise en place d'une carte carbone. Et puis ces textes dont qu'on évoquait tout à l'heure autour de l'égalité des sexes, avec Sylvie Lainé d'un côté et Anne Barr, Marie-Jeanne Husset et Véronique Moreira sur la partie plus état des lieux de ce qui se passe dans la dimension politique de la prise en compte de l'égalité des sexes. Dernier sujet, justement, la dimension politique de cette anthologie, elle est totalement assumée, revendiquée, c'est une anthologie qui se veut politique ? C'est un projet politique au sens où il s'agit de trouver comment partager de la réflexion, générer du dialogue. Et on est très content que ce livre, donc la moitié des textes sont des textes de vulgarisation scientifique sur des questions en lien avec l'écologie. C'est un livre que vous trouverez dans les rayons de science-fiction de vos librairies. Et donc c'est aussi une façon pour nous d'essayer de sortir du petit cercle des déjà convaincus et de diffuser ces idées. En essayant de rassembler dans cet ouvrage des grands noms et des noms qui parleront aux gens à la fois du côté écologie et science et à la fois du côté fiction, on essaye de mélanger les mondes. On essaye d'attirer vers ces questions des gens qui ne se sont pas forcément déjà posés, mais qui, à la lecture du nom de nos auteurs, se diront « Tiens, chic, un nouveau texte de Catherine, un nouveau texte », et qui prendront le livre en main. Et dans l'autre sens, on a des noms qui sont réputés du domaine dans le côté scientifique, à la fois dans les enjeux assez proches du grand public, Philippe Biwix, Mathieu Zano, mais aussi des scientifiques de premier plan dans des grandes collaborations internationales. Et de cette façon-là, on espère aussi tirer vers la fiction des lecteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de ces outils-là. Donc en ça, c'est évidemment un projet politique, puisque c'est un projet qui prend place dans la vie de la cité. Après, l'orientation des textes qui sont donnés, de la même manière que les fictions n'avaient pas de consignes sur leur optimisme ou sur leur pessimisme, les chercheurs ont été laissés très libres de l'orientation qu'ils donnaient à leurs textes. Et dans l'ensemble, ce qui est vraiment ressorti des retours qu'on a eus quand on a sollicité des collègues pour travailler sur cet ouvrage, c'était le plaisir à la fois d'avoir l'occasion d'aller discuter et d'aller discuter avec des auteurs, d'aller partager ces sujets qui les animent tellement, et l'occasion de pouvoir parler de ces questions à un public plus large via un média qui n'est pas le support habituel de la vulgarisation scientifique. Nos futurs, imaginer les possibles du changement climatique, c'est une anthologie donc scientifique et fictionnelle sous la direction d'Aline Orias, Daniel Suchet, mais également les camarades Roland Lehoucq et Jérôme Vincent. C'est aux éditions ActuSF et ça fait du bien à lire. Ça effectivement ressource un peu l'imaginaire fictionnel et l'imaginaire politique et c'est pas du tout désagréable. I feel my story is still untold, but I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make him do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day, and every time I turn around, our love is stuck on replay. I've been afraid to go out, but Murphy's Law de Rosie Murphy, l'ex-chanteuse de Moloko qui sort son nouvel album Rosie in Machine aujourd'hui et qu'on aime beaucoup à la rédaction de la méthode scientifique. Voilà, deuxième partie de ce vendredi fiction avec l'incontournable Catherine Dufour en cette rentrée 2020. Catherine, je ne sais pas si c'est le confinement qui vous a rendu à ce point-là prolifique, mais que de livres, que d'écrits, outre votre participation à Nos Futurs, vous sortez donc cette anthologie, l'arithmétique terrible de la misère aux éditions du Bélial. C'est une sorte de deuxième partie, on ne va pas dire de suite, parce que ça n'a pas de sens pour une anthologie, mais qui vient en tout cas après l'accroissement mathématique du plaisir qui était déjà également au Bélial. Vous me dites que dans 10 ans, le prochain titre, ce sera... Oh, probablement la géométrie paisible de la sérénité. Ah, j'avais la géométrie spatiale, moi. Ah oui, c'est joli aussi. la différence tout de même entre l'accroissement mathématique du plaisir et l'arithmétique terrible de la misère, donc, qui vient de sortir, c'est que là, pour le coup, vous avez voulu faire du 100% SF. Voilà, c'est quasi 100% SF. J'ai pas fait exprès, c'est tout simplement que pendant les 10 dernières années, puisque l'accroissement mathématique du plaisir, c'était mes nouvelles entre 2000 et 2009, et là, c'est les nouvelles entre 2010-2019. Et ce que j'ai eu envie d'écrire, ce qu'on m'a demandé d'écrire pendant ces 10 années-là, c'est massivement de la science-fiction, donc un recueil de science-fiction. Ce que vous avez eu envie d'écrire, parce que vous aviez plus envie d'écrire de science-fiction depuis le goût de l'immortalité, vous étiez plus parti effectivement sur de la fantasy, du fantastique, un peu dark, mais vous, c'est vrai que on vous voyait moins arpenter les couloirs de la science-fiction récemment. Et moi, j'ai eu l'impression de ne pas quitter la science-fiction, d'abord parce que j'ai écrit beaucoup de nouvelles de science-fiction, ensuite parce que très bizarrement, depuis quelques années, à peu près tous les corps de métier, visiblement pris d'angoisse face à l'avenir, se sont tournés vers les auteurs et les autrices de science-fiction en leur disant « Éclairez-nous, le matériau de construction du futur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, ça m'a poussé à beaucoup réfléchir à un nombre considérable de sujets auxquels j'aurais pas songé, naturellement. Et puis, il y a aussi le fait que je suis rentrée dans un groupe d'auteurs et d'autrices de science-fiction nommé Zanzibar, avec lequel on réfléchit à comment écrire de la science-fiction un petit peu plus optimiste que ce qu'on faisait avant. On va revenir sur Zanzibar et justement sur ce groupe, sur cette volonté de désincarcérer le futur. J'aime beaucoup cette expression, c'est assez intéressant. On va y revenir, mais d'abord j'aimerais qu'on parle un peu de la racine de cette arithmétique terrible de la misère, qui est le titre de l'une des nouvelles. D'ailleurs, on ne peut que toujours, on retrouve le style de Catherine Dufour, si vous l'avez déjà lu, c'est drôle, c'est un peu grinçant, c'est évidemment politique. Ça se termine en général relativement mal. Et le sens inné des titres, moi j'adore les titres. Un temps chaud et lourd comme une paire de seins, je suis évidemment, on ne peut qu'aimer ça. Un fatwa de mousse de tramway, la mer monte dans la gamelle du chat, pas le mal. Bref, il y a combien de récits inédits là-dedans, Catherine ? Il y en a un seul, c'est la dernière nouvelle, Coucou les filles. Toutes les autres ont été publiées dans une revue ou une autre. D'accord, on reviendra d'ailleurs sur Coucou les filles. Qu'est-ce qui a changé d'une anthologie à l'autre ? Donc, outre le fait que c'est de la science-fiction, justement, comment est-ce que vous avez l'impression que c'est transformé votre appréhension du futur ? Alors d'abord, j'espère être un peu meilleure et un peu plus concise. Et ce qui a changé pour moi, c'est cette impression que maintenant on est obligé d'être optimiste. C'est une obligation. C'est la base de Zanzibar, c'est ça. C'est que notre futur a une tête d'accident de voiture et que c'est pas comme ça qu'on va se construire des lendemains qui chantent, puisque le futur est en gestation dans notre imagination. Donc il faut absolument qu'on se concentre sur le fait d'écrire de la science-fiction qui donne envie de vivre. Alors évidemment, on n'est pas les seuls et on n'est pas les premiers. Il y a tout le mouvement solarpunk qui vient du Brésil, ou le biopunk, ou bref, essayer d'aller un petit peu au-delà du cyberpunk, des villes pourries de pollution et de l'attrition de toute la planète. Alors je dis ça, cela dit, dans ce recueil-là, comme c'est une réflexion qui s'est développée sur 10 ans, la plupart des textes sont peut-être pas encore totalement dans une optique optimiste, et je m'en excuse auprès du lectorat. Non, ne vous en excusez pas. Juste peut-être un mot sur ce collectif Zanzibar. Ça ne surprendra personne que la préface était signée d'Alain Damasion. On parlait tout à l'heure de recueil politique. C'est à la fois un groupement qui a une ambition, et on le sent, une ambition très nettement politique dans vos nouvelles, mais en même temps, vous le dites, avec une volonté de sortir de la dystopie à tout prix, de réenchanter un peu l'avenir. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ça ? Ça veut dire qu'il faut croire à nouveau dans les institutions humaines, ça veut dire qu'il faut croire dans la nature humaine pour être capable de se transformer et d'éviter le mur au bout de l'autoroute. Voilà, et je crois qu'il faut croire dans la puissance de chacun d'imaginer pour lui-même et pour les autres un futur un peu meilleur que ce qu'on est en train de nous concocter. Donc c'est un collectif où il y a Luvan, Sabrina Calvo, Alain Damasio, Léo Henri, Norbert Marajagnan, Laurent Clotzer, etc. Et on se réunit pour écrire ensemble, mais pas pour écrire des textes qu'on va publier, pour écrire des protocoles qu'on appelle protocoles, c'est-à-dire trouver des nouvelles techniques d'écriture qu'on peut utiliser quand on est en groupe de copains par exemple. Je vous en donne un, vous vous mettez dans un bar et chacun un papier, on a 10 minutes pour écrire ce bar dans 10 ans. Alors là, les gens, bon, y a une, ils décrivent, ils reviennent dans ce bar un petit peu plus blanc qu'ils ne le sont maintenant. Le même bar dans 50 ans. Alors là, on décrit effectivement, tout le monde arrive en déambulateur. Le même bar dans 100 ans, dans 250 ans, dans 500 ans. Et ça permet de mettre en route son imagination. On met tout ça sur notre site Zone Zanzi et on espère qu'un maximum de gens s'en servira pour arriver à imaginer son propre futur. Et je participe aussi à des ateliers d'écriture organisés par Blue Nov, ça s'appelle Bright Mirror, c'est l'inverse de Black Mirror, où on se met, je sais pas, à 80, on fait des groupes de 3, on prend un thème, genre, mais très concret, hein, le fonctionnaire en 2049, et on a une heure pour écrire une micro-nouvelle, et avec une seule obligation, c'est qu'elle soit optimiste. Et ça fait beaucoup de bien au mental. Ça, y a pas un petit côté méthode Coué tout de même dans tout ça, de dire ça va aller, on va s'en sortir. Bah oui, non, mais surtout faut imaginer les moyens de s'en sortir, parce que la méthode Coué, ça va pas suffire. Qu'est-ce que ça signifie du coup? Vous parlez, j'aime bien, alors ça fait partie de ces jeux qu'on retrouve, hein, parmi plusieurs des auteurs que vous avez cités, Damasio, Merjanian, Henri, etc. Vous-même, de désincarcérer le futur, la science-friction, c'est quoi la science-friction, Catherine Dufour? C'est la façon dont moi j'écris de la science-fiction. Je prends mon cerveau, je prends des revues comme Nature, La Recherche, je frotte l'un contre l'autre, vous voyez, un petit peu comme faisait Montaigne. Et ce qui en tombe, c'est en fait une façon de prendre ce qui se prépare actuellement dans les laboratoires et voir comment ce que ça va donner quand ça se retrouvera dans 10, 20, 30 ans dans nos assiettes. Donc c'est comme une lanterne magique, vous projetez la recherche actuelle sur le champ social à 20, 30 ans. Par exemple, vous saisissez comme toujours, hein, de thématiques d'actualité politique actuelle, notamment justement dans la nouvelle titre, l'arithmétique de la misère, qui revient, mais c'est pas la seule nouvelle sur la question des migrants. Comment est-ce que aujourd'hui on arrive à s'extraire du présent, du sort qui est fait, par exemple, justement aux migrants par nos différentes élites politiques, pour l'imaginer, pour la transposer dans quelque chose qui ne soit pas l'escalade du pire? Alors justement là c'est... Peut-être vous pouvez nous pitcher rapidement l'arithmétique terrible de la misère, parce que quand je le fais, je me fais toujours reprendre, donc maintenant j'ai arrêté, c'est d'accord, à vous de le faire. D'accord, alors c'est un vlogueur mode homme un petit peu futile qui va passer le périphérique et qui va découvrir effectivement le monde des migrants climatiques et sa vie va commencer. Et en fait, c'est, je disais que c'est un mauvais exemple, parce qu'en fait c'est de la... presque pas science-fiction. Mmh. Voilà, moi je vis, je travaille dans un territoire, alors c'est le nord, l'est de Paris, où il y a énormément de migrants, et à chaque fois que je raconte ces histoires-là, personne me croit. Et donc j'ai décidé d'en faire une nouvelle, parce que les forces mises en présence sont tellement complexes que j'avais besoin d'ordonner ça, et ce n'est que très légèrement science-fictif. Effectivement, le vlogueur, il se promène avec sa réalité virtuelle sous le bras, et puis quand il veut aller prendre des coups de soleil et aller dans un pays vraiment très très chaud, il va à la boule. Mais ça fait partie, avec une fatwa de mousse de tramway, de ce genre de nouvelles où en fait il y a l'élément science-fictif, c'est fait pour dissimuler le fait que c'est en train d'arriver maintenant et que si on veut savoir comment faire à grande échelle, et ben faut aller sur les territoires où ça se passe et on trouvera des solutions. Là, les deux nouvelles que vous citez sont des nouvelles plutôt du début de l'ouvrage. On a le sentiment tout de même que on part du quasi présent, on part de demain pour aller vers le futur le plus lointain. C'est volontaire, c'est une réorganisation des nouvelles a posteriori. Vous avez fait l'exercice d'aller, de vous projeter de plus en plus loin. Et qu'est-ce qu'il y a quand on va très loin, Catherine Dufour? Ah, ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Enfin, quelqu'un qui est d'accord avec mon sommaire. Oui, effectivement, c'est une progression chronologique. Moi, je travaille, en fait, c'est vraiment la base de la science-fiction. Je travaille en what if, c'est-à-dire j'imagine des ruptures. Alors, il y a... Et si? voilà, en français. Et si. J'imagine des ruptures. Alors, ça peut être des ruptures technologiques, genre on découvre le voyage dans le temps. Ça peut être des ruptures juridiques, l'effondrement du droit du travail dans Palmal, l'effondrement des normes industrielles dans une fatwa de mousse de tramway. Palmal, ça s'écrit pâle comme pâle, comme quelqu'un voilà. de pâle, mal. C'est pas de marque pour le tabac qu'on déteste tous, évidemment. Oui, on déteste tous. Voilà. Vous savez, c'est le Pale Rider qui arrive. En général, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, je travaille essentiellement en rupture technologique. Il y en a qui sont plus de type uchronie. Il y en a une, c'est un temps chaud et lourd comme une paire de seins, suivi de la tête raclant la lune. C'est vraiment, j'ai fait du Elroy-like, parce que j'adore Elroy. Et là, j'ai inversé homme-femme. Ce sont les femmes qui sont les plus agressives. Et j'ai inversé noir-blanc. C'est un monde où les riches sont noirs et l'insulte courante, c'est blanco. Un peu à la civilisation de Laurent Binet. Voilà, et alors quel monde est-ce que ça donne si on inverse les hommes et les femmes, les noirs et les blancs? Réponse, le même monde pourri qu'aujourd'hui. Peut-être un mot, Catherine Dufour, alors, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez, justement, puisqu'on était sur la chronologie, est-ce que vous pensez que l'arithmétique terrible de la misère, autant on parlait de nos futurs tout à l'heure, et c'est vrai qu'on convenait avec Daniel Suchet et Aline Orias que c'est vraiment un ouvrage qu'on peut garder sur sa table de nuit, piocher un texte à droite, à gauche, quand on a envie, entre deux romans, ou juste quand on prend sa douche, parce qu'on sait que c'est toujours assez facile de lire sous sa douche. Mais est-ce que vous diriez que l'arithmétique terrible de la misère, c'est un livre qui se lit dans l'ordre? Est-ce qu'il faut suivre cette progression chronologique en quelque sorte? Ah non, absolument pas. Moi, c'est en général quand les gens me disent par quoi est-ce qu'il faut que je commence, je leur dis commencez par mon recueil de nouvelles. Comme ça, si vous aimez pas, vous n'aurez pas perdu votre temps sur un roman de 500 pages. Il vous suffit de lire un texte de 30 pages. Non, on peut parfaitement piocher dans le sens qu'on veut. Les nouvelles sont séparées par des petits interludes. Oui. Des interludes drôlatiques. Oui. Glamourissimes, qu'est-ce que c'est? De la pub. J'imagine qu'on a réussi à capter des particules intriquées. Et donc, en fait, on arrive à remonter le temps, à ressentir les émotions de nos ancêtres. Et donc, j'imagine un monde où on peut, de nos ancêtres, ou d'ailleurs d'une personne qui habite juste à côté. Par exemple, si vous vous mettez dans une piscine, vous êtes bien chaud, je sais pas, ou dans une baignoire pleine de mousse, vous enregistrez vos sensations et vous pouvez vendre vos sensations. Et j'imagine qu'on vend plein de produits comme ça. Je sais pas, on vous vend une écharpe trempée dans le hammam Pacha et vous pouvez, dans le métro, ressentir contre votre peau les 12 effluves du hammam. C'est quand même plus agréable que les effluves du métro. Et donc j'ai imaginé... Ça dépend des goûts. Hein. Voilà, effectivement, un certain nombre de publicités, toutes plus délirantes les unes que les autres, entre chaque texte. Il y a donc ces publicités glamourissimes qui ponctuent un peu le récit. Il y a deux récits à la fin qui se séparent un peu du reste de l'anthologie. D'ailleurs, vous prévenez, hein, je crois qu'il y a une page en disant attention, ce n'est plus de la SF, donc on passe à autre chose. La vie sexuelle d'Alfred M. et Coucou les filles, j'aimerais que vous me disiez un mot de chacun, parce que la vie sexuelle d'Alfred M., c'est une sorte d'obsession, Catherine Dufour, hein, puisque vous vouliez déjà imaginer la vie sexuelle de Lorenzo Alcio, maintenant c'est la vie sexuelle d'Alfred de Musset. Pourquoi? J'adore les bios. Cette lubie. J'adore les bios. J'ai fait la vie sexuelle de Lorenzo Zaccio, Mille et une nuits en 2014. Du coup, dans la foulée, j'ai écrit La vie sexuelle d'Alfred de Musset. Je ferais bien La vie sexuelle de Guy de Maupassant, mais il faudrait deux bottins. J'ai fait une biographie d'Ada Lovelace. J'adore les bios. J'ai des bios plein ma musette. Et pourquoi la vie sexuelle particulièrement de ces personnages romantiques? Oh mais non, mais c'est juste un peu putaclic. Hein. Alfred de Musset est effectivement quelqu'un qui a beaucoup parié sa vie sur la fesse. On le connaît essentiellement pour ça, pour avoir eu une vie intéressante avec George Sand. Et en fait, dès que vous levez ce voile-là, vous tombez sur une existence totalement différente. C'est une façon d'aborder les existences par le petit bout de la lorgnette. Et puis après, on élargit le champ de vision. Et Coucou les filles, alors ça, Coucou les filles, c'est un texte un peu particulier. Je fais partie de ces auteurs qui ont tendance à écrire les ouvrages qui semblent manquer dans une bibliothèque. Un des premiers textes que j'ai écrit quand j'avais 8 ans, c'était l'histoire du veau gras. Vous connaissez le retour du fils prodigue et on tue le veau gras. Jamais personne ne s'est intéressé à ce pauvre veau gras. Il avait peut-être ses affections. Bon, moi, un des premiers textes que j'ai écrit, c'est le veau gras. Et il y a une chose qui manque. Alors, ce qui manque pas, c'est la littérature misogyne. Une fois qu'on a entassé Schopenhauer sur Baudelaire, sur Jean Demain, sur Guitry, sur Monterland, il y a de quoi remplir ma chambre et après, on pourra remplir la vôtre. De l'autre côté de la balance, en littérature misandre, il n'y a rien. Il y a un essai. Ça commence à arriver. Ça commence à faire un peu de bruit. Ah oui ? Ah bah en ce moment, il y a toute une polémique autour d'Alice Coffin et d'un certain nombre de néo-féministes qu'on accuse d'être misandres et sur qui la foudre s'abat. Voilà, et bah elles avaient qu'à se dépêcher. Parce que moi, constatant que la seule chose qu'il y a en misandrie, c'est le Scum Manifesto de Valérie Solanas. Hein. Il y a 30 pages de l'homme est un avorton, une fausse couche ambulante. Alors, je ne dis pas que je souscris du tout à ce qu'elle dit. Je me dis, il en fallait bien un. Et sur le plateau de la fiction misandre, il n'y a rien. Même le baise-moi de Virginie Despentes, c'est l'histoire d'une revanche. Donc, j'ai constaté ça avant les années 2000. Je me suis dit, il faut absolument un texte misandre, mais c'est pas moi qui vais m'y coller. J'ai quand même pris des notes. Et au bout de 20 ans, personne ne l'avait fait. Donc, j'ai rassemblé mes notes. J'ai écrit « Coucou les filles ». J'informe que la littérature n'y gagne rien. Le vivre ensemble, pas grand-chose. Vous n'êtes pas obligés de le lire. Mais je suis débarrassée. Oui, et puis c'est pas un texte, c'est un texte un peu durail quand même. C'est-à-dire qu'il se passe pas des choses très. Ces garçons qui l'ont peut-être tout à fait mérité à l'aune de l'histoire que vous décrivez, mais en tout cas ils en prennent pour leur grade. Pas du tout. Alors ils ont rien mérité, ils n'y ont rien fait. Il y a aucun prétexte, il y a aucune victimisation. C'est juste une bonne femme abominable qui fait des choses abominables parce que dans American Psycho c'est strictement ça, et parce qu'on a du torture porn qui s'en prend à des petites jeunes filles en talons hauts en permanence à la télévision et que ça ne choque personne. Et moi je voulais un petit jeune homme qui pousse des petits cris dans sa nuisette, parce que ça ne s'était jamais fait. Je ne sais pas si on va aller beaucoup plus loin sur cette fantasmatique pour le moment. Mais tout de même, un mot peut-être rapidement, Catherine Dufour, sur ces mouvements néo-féministes qui sont très contestés, qui perturbent beaucoup d'éditorialistes souvent masculins, sur qui beaucoup de foudre s'abat. C'est un mouvement que vous soutenez, que vous comprenez, que vous trouvez parfois un peu excessif. Quel est votre regard là-dessus? Alors moi, je soutiens le féminisme depuis ma première fiche de paye. C'est vous dire si ça remonte. Donc je le soutiens en bloc et en détail. Maintenant, il y a énormément de combats actuels. J'arrive plus à tout suivre et je me contente globalement de hocher la tête et de mettre des pouces bleus en attendant de voir ce qui retombe. Hein. Par exemple, sur l'écriture inclusive, je me renseigne énormément et ma seule stratégie, c'est de mettre des E partout en attendant de voir ce qui retombe au bout. Un dernier mot pour conclure, Catherine Dufour. Donc, il y a Nos Futurs, il y a L'arithmétique terrible de la misère et il y a en plus Au bal des absents, un polar au seuil, un mot là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu envie d'imaginer. Imaginez, vous êtes totalement au chômage, en fin de droit, vous êtes sans domicile fixe, vous avez un seul endroit où habiter, c'est une maison hantée. Mais durement hantée, hein, vous voyez le fantôme de ça, hein, c'est pas juste des petites jeunes filles en nuisette qui poussent des soupirs. Voilà. Et vous faites comment? Comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'un fantôme, très concrètement? Alors, par exemple, faut jeter de l'eau bénite, mais l'eau bénite, vous êtes dans le bénitier, vous avez juste une petite fiole. Alors, vous allez rajouter de l'eau, mais si vous rajoutez beaucoup d'eau dans un peu d'eau bénite, est-ce que ça donne de l'eau un peu bénite? Est-ce que ça existe, l'eau un peu bénite? Ou est-ce que ça fait comme l'homéopathie? Voilà, tout un tas de questionnements concrets, et bien sûr, en parallèle, j'oppose ces angoisses de l'esprit à ces angoisses très, très, très, très concrètes qui sont Pôle emploi, la fin de droit, la misère et la façon dont on traite beaucoup de nos concitoyens sur le marché de l'emploi et de la vie tout court d'ailleurs. Donc un polar fantastique, politique, que vous avez écrit en même temps que l'anthologie. Non, parce que l'anthologie, c'est un récit au fil et à mesure des années. C'est un roman du confinement? Alors pas du tout. Pas du tout. Non. Alors le fait que ces deux livres soient sortis le même jour, c'est ce qu'on appelle l'effet confinement et l'effet embouteillage de rentrée. Je n'y suis pour rien, je le jure. Merci beaucoup en tout cas. Catherine Dufour, vous pouvez la lire partout en cette rentrée. L'arithmétique terrible de la misère, c'est aux éditions du Bélial, suite de L'accroissement mathématique du plaisir, aux mêmes éditions du Bélial. Au bal des absents, c'est aux éditions du Seuil. Et puis vous pouvez la lire également dans l'anthologie Nos Futurs, imaginez les possibles du changement climatique, c'est aux éditions ActuSF. Et puis si vous voulez la lire, vous pouvez en plus la voir parce que vous allez faire une dédicace là tout de suite, Catherine, je crois. La dimension fantastique, mais trop poissonnière. Voilà, c'est à Paris pour les gens qui sont à Paris ou en région parisienne. Merci également à Aline Orias et David Suchet de Nos Futurs d'être venus nous parler de votre anthologie. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Ville France, Céline Lausanne, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de La Méthode Scientifique, lundi, elles vous ont embêté tout l'été, dites-le, on les déteste et pourtant elles sont indispensables. Nous parlerons des guêpes et de toutes les familles des hyménoptères. Mardi, après la fausse fine sur Vénus, Vénus, il sera question des biosignatures. Quand est-ce que nous détecterons une signature autour d'une exoplanète qui indiquera de façon certaine la présence de la vie? Mercredi, journée spéciale sur l'antenne de France Culture, ce que le Covid a fait à la science. Pour notre part, nous parlerons et nous évoquerons des liens entre la médecine et la recherche, des liens parfois un peu difficiles pendant cette épidémie. Jeudi, nous aurons la chance et le plaisir de recevoir Françoise Combes, astrophysicienne spécialiste des galaxies qui a reçu la médaille d'or du CNRS, et ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain à 16h, c'est le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.